Et alors ? Alors, son fils a claqué la porte et il a disparu. Il est rentré le soir et il est allé se coucher sans dire un mot. Quand même, de mon temps, les enfants étaient mieux élevés. Eh oui, mamie. Même moi, quand j'étais petite...